soleil, huile et potes. Bienvenue à la Pérolita. J'ai build un bar sur le toit de ma base. Trois palettes, un feu et je te masse. On farme le bois mais on brûle les plans. Y'a rien d'esquiel en slip, c'est suffisant. Apéro, recycle les bastons. Danse en potes, on grille des glands. Les viewers crient pendant le raid de fond. Mais moi je m'occupe du son et du melon. Dans le lance-flamme, Rider Skill, DJ l'enfer.